13e apôtre, petit frère, il y a Jésus, moi, dans la Mzambé. Moukwa au jeune pâte au marché central, cette chanson pour Charles Mombaya et Alain Moloto. Zambé a coca que kirana pour mille gororo tope toti. Mena bolingo naye a kiringa moto naye didi naye merci. Merci mon créateur. Merci Sami. Merci au puissant. Zambé a coca que kirana pour mille gororo tope toti. Mena bolingo naye a kiringa moto naye didi naye merci. Merci, merci mon créateur. Saki voko kama nini na twani na zoye mera yawe. Eza gratitude na ngayi fa ya mokili na ngayi. Dieu mon créateur tout puissant, guide mes pas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pour la moitié du mal et le guéri, et la terre va se combattre. Qui respire l'eau l'éternel. Oh, yeah, can I make a little bit of a mistake? qui au gars, ma sainte, merci. Accenti ça, ma sainte, ma sainte. Au qu'il y mouvi, ma sainte, ma sainte. Papa, la Yézou, à tout pour l'éternité. Au qu'il y mouvi, ma sainte, ma sainte. Kilimo bimba simba mandala lae wananza me.